raison. Tu croiseras aussi la trahison. Tu entendras leurs paroles à foison. Et parfois même jusqu'à la déraison. Tu verras la bassesse, l'impudeur. Tu connaîtras aussi l'agression. Et tu verras des micros tendus vers des femmes et des enfants nus. Puisses-tu vivre, continuer. Puisses-tu aimer, continuer. Puisses-tu puiser un peu tôt dans le puits de tes nuits. Les chagrins à foison et les douleurs que tout le monde partage. Tu entendras des demandes et des pleurs, et parfois ça frisera la déraison.